Chapitre deuxième. Tant que la voiture roula, Madame Gerbault, la mère, garda un silence d'orage. Sa belle-fille, Madame Paul Gerbault, rancognait de façon qu'un vide restât entre elles, essayait de rassembler ses idées. D'abord, le sentiment de son identité l'accablait. Elle était-elle bien elle et non une autre, cette petite Claire à rondelles, dont l'enfance avait été si heureuse du temps où elle vivait avec son père? Elle n'avait pas connu sa mère, et lui, vieux professeur à Louis le Grand, l'avait élevée avec une tendresse inimaginable, des soins d'esclave. Elle avait grandi, les mains blanches, ne s'occupant que des petits soins du ménage. Elle était devenue femme, et on la regardait beaucoup dans les rues. Sur le palier de la maison qu'ils habitaient à l'observatoire, elle rencontrait toujours à la même heure le locataire du second, un jeune homme pâle qui portait un foulard au cou et une serviette sous le bras. Tout en noir, il avait l'air si triste qu'elle le prenait pour un huissier. Mais M. Paul Gerbault était bien mieux que cela, sous-chef dans un ministère, avec de l'avenir. Un jour qu'elle revenait d'acheter des fleurs, elle trouva son petit appartement envahi. On voulut l'empêcher d'entrer, des femmes s'apitoyaient bruyamment. Elle se dégageait avec force et apercevait dans un fauteuil son père, foudroyé par la rupture d'un anévrisme. Le jeune homme pâle et sa mère se montrèrent compatissants. L'une veilla le pauvre professeur et aida à la toilette mortuaire, l'autre se livra aux démarches nécessaires et écrivit les adresses de faire part. Claire ne se rappelait aucun nom. Hormis un ou deux collègues de son père, il ne connaissait personne. Aussi le sous-chef envoya-t-il les lettres aux locataires de la maison et aux fournisseurs du quartier. Un désespoir affreux, de tristes jours, la stupeur et l'effroi de la vie, puis la maladie s'abattant sur elle, l'épuisement d'un cerveau trop faible pour la douleur et l'isolement, et l'orpheline, après une lacune de plusieurs jours, se réveillait dans une chambre qu'elle ne connaissait pas. Ses voisins l'avaient recueillie, et Madame Gerbault lui présentait un bol de tisane. Une somnolence d'âme, une vague convalescence suivait. La petite Claire à rondelles ne retrouvait plus sa gaieté, gardait une pâleur de fleurs déplantées. Que deviendrait-elle une fois rétablie? Sans argent ni famille, ne sachant qu'un métier, elle était littéralement à la rue. M. Paul Gerbault lui marquait tant de sollicitude qu'elle en était forcément reconnaissante, voire même un peu gênée. La mère, avec ses airs de gendarme, l'effrayait un peu, mais elle ne l'en aimait pas moins, de toute la gratitude d'un cœur tendre et inexpérimenté. Quand le grand jeune homme triste lui proposa de l'épouser, elle n'osa dire non, mais pleura beaucoup. Une étrange chose, ce mariage conclu sous les auspices de la maladie et de la mort. Elle n'y pensait qu'avec répugnance, se rappelant la résistance désespérée de Madame Gerbault. Affolée de perdre ce fils qu'elle aimait à la folie, tous ses rêves d'ambition fauchés par cette union modeste, elle ne lui avait cédé que par faiblesse, craignant qu'il ne tombât malade. D'abord, rien ne parut modifié. L'appartement étant assez large pour trois, ils continuaient à y vivre, sauf que la chambre de la mère devint leur et que Madame Gerbault prit celle de son fils. Peu d'expansion entre les nouveaux mariés, une lune d'amour grise comme un jour d'hiver, des caresses qui n'émurent pas sa chair de vierge. Au matin, Gerbault tout sautait, et sa mère, les regardant avec des yeux soupçonneux, lui faisait prendre son huile de foie de morue. Il s'en allait au bureau, rentrait à 6 heures, et mettait ses pantoufles. C'était Madame Gerbault qui tenait le ménage, et Claire, pour s'occuper, comptait les points d'interminables tapisseries. Rarement un plaisir, on allait au théâtre que lorsque le sous-chef obtenait un billet de faveur. Le dimanche, ils allaient faire un tour au Luxembourg. Cette vie morte, aux pulsations lentes, l'engourdissait sans souffrance, comme ceux qui s'en vont dans l'asphyxie du charbon. Mais un malaise, bientôt aigu, la réveillait. Et très vite, l'illusion dans laquelle elle vivait sur les êtres et les choses qui l'entouraient changea. Madame Gerbault, en quelques semaines, se révélait le despote qu'elle était, inoffensive par lubie, violente par bourrasque, vulgaire en tout, un peu basse avec cela, et jalouse, un degré de frénésie maternelle qui lui tourna vite la voix en vinaigre et le cœur en fiel. Par la simple nature des choses, des petites querelles, puis des scènes éclatèrent. Gerbault fut faible. Maniaque et souffrant, le soin de sa santé l'absorbait. il défendit son repos égoïste avec âpreté, tantôt contre sa femme, tantôt contre sa mère, mais sans suite ni mesure. Claire comprit qu'il ne saurait la faire respecter. Elle céda par bonté, et depuis, ce lui fut un enfer. Tous deux s'unirent pour la tyranniser, elle par rage d'autorité, lui par manie tracassière. Tatillon de race, il ne comprenait aucun de ses goûts fins et délicats et la criblait de petites taquineries sottes qui lui entraient des épingles dans la chair. Des mots irréparables furent prononcés. Madame Gerbault reprocha à sa belle-fille la médiocrité d'où on l'avait tirée, jusqu'aux dépenses faites pendant sa maladie. Pour quelques fantaisies de toilette, elle l'accusa de ruiner son mari. Gerbault, ce jour-là, défendit sa femme, mais comme dans une autre circonstance il lui parlait méchamment, elle fut frappée de la petitesse de son esprit et s'aperçut pour la première fois qu'il était laid. Du reste, il devenait de plus en plus souffrant, et cela l'irritait. Sa mère regardait la jeune épousée avec des yeux de haine, comme si elle la rendait responsable du malheur de son fils et de l'aggravation de son mal. Après 2 ans de vie difficile, coupée de répit de calme et de quelques instants d'harmonie, Gerbault reçut sur le corps une pluie torrentielle, se réfugia sous une porte cochère et prit une fluxion de poitrine. Il mit 8 jours à mourir, redevint tendre pour sa femme aux derniers instants et assura son sort par testament. Claire assistait alors à un prodigieux revirement. Sa belle-mère l'embrassa et pleura dans ses bras. Cette femme, qui avait failli mourir de désespoir et fait craindre par son exaltation qu'elle ne devint folle, lui dit pour premier mot « Nous ne nous quitterons jamais ». Dès que le gros de sa douleur fut un peu calmé, elle témoigna à sa bru des égards extraordinaires, d'inespérées tendresses. On eût dit qu'elle reportait sur elle une partie de l'amour vorace qu'elle vouait à son fils. Constamment, elle lui parlait du mort, rappelait ses mérites, sa bonté, ses manies et ses tics. Elle lui disait « Paul vous aimait tant. Vous rappelez-vous que tel jour ?» Un changement si complet ébranlait la jeune femme. Généreuse d'instinct, elle oublia bien des choses. Elle pardonna à cette mère inconsolable, dont le repentir du passé semblait plus touchant, venant d'elle et de son rude cœur. Elle n'oubliait pas non plus que les Gerbault, à la mort de son père, l'avaient recueillie. En attendant, on ne parlait pas de la succession. Jamais Paul n'avait séparé son bien de celui de sa mère, et celle-ci fut morte plutôt que de partager la petite fortune qu'elle s'était habituée à considérer comme sienne. Elle dit donc à Claire « Pourquoi nous appauvrir ? Vivons ensemble. Je subviendrai à tous vos besoins et je vous remettrai un peu d'argent pour vos dépenses personnelles. » La jeune femme, par faiblesse, par pudeur à débattre tout intérêt bas, accepta, sans songer à la servitude qui l'attendait. Il lui semblait que réclamer son dû, l'argent des Gerbault en somme, serait peu fier, aussi déplacé à ses yeux que si elle abandonnait en ce moment la pauvre femme solitaire qui se montrait si bonne pour elle, la cajolait. Elle se prêta à tout, signa, les yeux fermés, ce qu'on voulut, s'imaginant qu'un peu de vraie tendresse la dédommagerait dans l'avenir. N'était-elle pas seule dans la vie, ignorante de tout comme une enfant, et où aller? Les premiers temps ne lui avaient pas été trop durs. Madame Gerbault y mettait des formes. Sans doute, son tempérament acariâtre reprenait le dessus, mais elle circonvenait Claire de plaintes larmoyantes sur leur malheur, et la sincérité de son chagrin désarmait la candeur de celle-ci. À entendre tellement exalter son mari, il lui semblait qu'il s'agissait d'un autre. Peut-être l'avait-elle mal compris, méconnu, et ses scrupules d'une âme délicate la rendaient plus faible et plus propre à l'asservissement. D'insensibles transitions, les tâtonnements d'une volonté étrangère essayant de brider par petites secousses ses jeunes aspirations l'avertirent du péril. Mais elle se résignait à bien des choses. Dès les premiers râpements du côte à côte, les premières intonations acides, elle s'arma d'indifférence et se renferma en elle-même. Mais, sous ce maintien digne, son cœur saignait. Elle ne pouvait se résigner à ne point se sentir aimée. De mois en mois, Madame Gerbault montrait un peu plus d'autorité. Sous couleur d'expérience, de conseils, Avec une ténacité insidieuse, elle captait la jeune femme. Par adresse et jésuiterie, employant le blâme ou l'éloge, usant de la douceur qui amollit, de l'ironie qui blesse ou de la colère qui abat, elle en était arrivée, en moins de 18 mois, à faire peser sur elle une tyrannie enveloppante comme les mailles d'un filet lesté de plomb. Des résistances tardives n'avaient servi qu'à emprisonner plus étroitement le poisson dans la nasse. À l'heure présente, Madame Gerbeau, tant une volonté fixe et tendue au même but à de force, s'était arrogée, d'empiètement en empiètement, le droit de surveiller tous les actes de sa bru et d'espionner toutes ses pensées. Elle satisfaisait de la sorte son incroyable besoin d'autorité, son tempérament de maîtresse d'école et de geôlière. Son ennui, sa curiosité, ses instincts équivoques de confesseur y trouvaient aussi pâture. Mais surtout sa jalousie contre la femme jeune et jolie que son fils lui avait préférée. Forcée de reconnaître que Claire refleurissait, étonnée de la trouver en beauté, elle s'appliquait scrupuleusement à éteindre le sourire sur ses lèvres et à lui attrister le regard en rappelant à tout propos la mémoire du mort, et en mêlant comme un goût de cendre et un relent de phénol à tous leurs entretiens. Elle forçait Claire à vivre à l'ombre de ce tombeau. Elle l'écrasait du souvenir de Paul Gerbeau. Elle l'assassinait d'allusions à Paul Gerbeau. Elle repassait sur ses doigts toute l'enfance de Paul Gerbeau, ses premières dents, une colique, ses progrès à l'école et le bel avenir qui l'attendait. Puis, 1000 allusions perfides et amères, sans avoir l'air d'y toucher, à leur mariage et à leur boiteuse vie à trois. Enfin, l'ombre de Gerbeau planait sur elle démesurée. Dans le nouvel appartement qu'elles habitaient, elle avait groupé en un musée tous les souvenirs de son fils, bustes, portraits, médaillons, ses livres, sa calotte de velours, jusqu'à des paperasses de bureau écrites de sa main, d'une anglaise irréprochable. Aussi le nom de son mari était-il devenu à la longue, pour Claire, un cauchemar. Elle le revoyait, avec une intensité cruelle, plus précise encore que s'il eût été vivant. Au lieu de s'évanouir dans une brume, il se détachait en relief sur le front des murs et lui apparaissait la nuit au pied de son lit, pâle et soucieux, son éternel foulard autour du cou. Réduite à concentrer en elle ses sensations, tout ce qui la désolait ou l'humiliait, elle souffrait d'une exaspération nerveuse d'autant plus aiguë qu'elle était forcée de se contenir, sachant l'inutilité d'une révolte. Mais, sous cette compression méchante et sotte, le feu couvait, et son âme refoulée donnait l'essor aux rêves. Les conceptions les plus romanesques, les images d'aventures les plus folles venaient hanter cette petite cervelle d'oiseau captif, et la consoler par l'espoir de hasards invraisemblables, d'événements trop beaux pour se réaliser, mais qui peut-être, qui sait, l'arracheraient un jour à son esclavage. Pour qu'une créature chaste et naïve comme elle, ignorante de l'amour malgré son mariage et de la vie malgré son veuvage, n'eût pas craint de regarder en face un étranger. Ce fut leurré du bonheur de se voir suivre par lui, comme si vraiment cela allait influer sur sa vie et la changer toute. Ne fallait-il pas qu'elle fût vraiment à bout de patience et de courage, prête à se confier au premier bon hasard et à se jeter comme perdue dans les bras d'un sauveur? S'il pouvait avoir seulement, pensait-elle, les traits et l'expression loyale de ce grand jeune homme inconnu. Elle revivait toute la scène du bon marché, les étapes des comptoirs, revoyait Nist debout devant elle auprès de la voiture, lui offrant la main pour monter. Elle entendait encore sa voix, et à ce souvenir, machinalement, elle serra plus fort dans ses doigts le porte-carte qu'il lui avait remis. Sa réflexion fut attirée dessus, et alors seulement, en voulant le glisser dans sa poche, elle s'aperçut que le sien y était déjà. Elle ne comprit pas. Qu'est-ce que cela voulait dire? Son trouble fut extrême comme devant un pressentiment, et une prudence l'empêcha de confronter à l'instant les deux carnets, mais son cœur battait avec force. « Quand il vous plaira, » fit impérieusement sa belle-mère. Claire, tressaillant, la vit descendre du fiacre, qui s'était arrêté sans qu'elle s'en aperçût. Elles étaient devant leur porte.